Stature, savoir, amour, loyauté, obéissance, tout ce que l'homme voit, sont venus du jugement par la parole. Ta foi tient grâce à sa parole. Par là, l'homme voit l'œuvre étonnante de Dieu. Il y a beaucoup de mystères et de merveilles que l'homme ne peut saisir. Et beaucoup se sont donc soumis. Rien ne surpasse le jugement de sa parole et aucune ombre ne l'emporte sur son autorité. L'homme se soumet à cause de son incarnation, de son autorité, du jugement de sa parole. Ceux qui ne sont jamais soumis aux hommes se soumettent à sa parole. Ils se plient au jugement de sa parole. La chair de Dieu paraît comme s'il était ordinaire, mais ses paroles démontrent sa pleine autorité. Il est Dieu lui-même, ses paroles sont l'expression de Dieu lui-même. Rien ne peut l'offenser, il est Dieu dans la chair. Dieu incarné livre ses paroles pour que tous ayant oreille entendent et reçoivent son jugement. Dieu n'effraie pas l'homme à la soumission en se montrant en forme d'esprit. Le tempérament vrai d'homme, même bien caché, se révèle par cette œuvre réelle et unique, pour que l'homme le reconnaisse et change. Le jugement de Dieu est pratique et livré par la parole. Voici l'autorité et l'importance de son incarnation. Voici l'autorité et l'importance de son incarnation. Rien ne surpasse le jugement de sa parole. Et aucune ombre ne l'emporte sur son autorité. L'homme se soumet à cause de son incarnation, de son autorité, du jugement de sa parole. À cause de son incarnation, de son autorité, du jugement de sa parole.